Section 49 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 49. Un vieux, par Pierre Loti. Chapitre 7. Presque aussitôt, après l'avoir couché dans la terre, il avait fallu repartir, s'éloigner encore pour des années du pays breton, où elle venait à peine de s'endormir sous sa croix grise. Alors, il était devenu un de ces hommes durs qui roulent la mer sans but dans la vie et sans aucun désir de retour nulle part. Son commandement et son coup de sifflet avaient pris un son nouveau, qui était bref et sombre. Nuit et jour, il n'était occupé que de voiles ou de cordages et menait rudement ses gabiers, sans un mot de contentement, quand ils avaient bien fait. Jamais il ne chantait le soir et il veillait constamment sans faiblir. De Hong Kong, une fois, il avait envoyé une forte somme d'argent à cette même femme qui jadis gardait sa fille. C'était pour acheter à perpétuité ce petit morceau du sol breton où on l'avait mise et y faire placer une pierre couverte de marbre. Une lettre donnait à ce sujet des instructions compliquées, longuement conçues pendant les veilles de la mer. Cette femme, quand il revint à Brest, était devenue une pauvresse imbécile qui ne se souvenait plus d'avoir rien reçu. S'étant mise tout à coup à boire, elle avait dépensé cela dans les cabarets avec des amis. Et lui, pendant 5 années de voyage et d'aventure, sous le grand soleil dévorateur, lui, n'avait pas eu d'autres préoccupations intimes, pendant ses heures de quart, pendant ses nuits d'insomnie, que de conserver inviolable cette sépulture de jeune fille qui était là-bas, sous le ciel brumeux de Bretagne. Vite, il courut à sa petite tombe. La terre y était retournée de frais, et on y avait planté une croix neuve, portant le nom d'un vieillard inconnu. Sur les marches de l'ossuaire, parmi d'autres débris lamentables de vases et de fleurs, il vit le dernier cadeau qu'il avait fait à son enfant mort, une couronne de perles, avec une inscription au milieu et une pensée. Allons, c'était fini. On l'avait mêlé aux autres. Et à la nuit tombante, il s'en revint seul de ce cimetière. Fin de la section 49, lue par Margot.